au-delà du réel. Kamikaze, zopique, malfaiteur. Face à l'au-delà, au-delà, je vois que le monde s'apitoie. Je me sens seul et sale, on me dit souvent escarder ça peut toi. Et merde, merde, c'est vrai que cette odeur me colle à la peau. L'argent, normal qu'on en ait pas, les enculés, les pauvres. Alors je gratte et puis je rappe et vise l'au-delà. De quelques grammes, je pige rien juste en tirant de là. Je vois que des enfants partent en couille, les pères écoutent leur gosse. Je suis jeune, j'ai pas 4 ans, mais j'ai plus de cotes à l'arcus. Et puis d'avoir la tête dans les nuages et ce genre de défaut. J'aurai l'air un jour d'un défunt, je pleure depuis le jardin d'enfants, j'adhère des fois. Ha, car c'est triste, vie faut faire avec. Je voulais trinquer avec le bien, mais le mal m'a offert un fer. Alors je dois être fort à chaque plan, c'est raconché qui est plein. Donc à chaque choc, moi je suis qui est blanc, écoute ce couplet. Frère, car tout est charismatique, c'est pour ma clique. Au fond de moi qui reste mythique. Au-delà, du réel, des dollars, on en rêve, des dollars, ça arrive. Il faudrait qu'on change d'itinéraire. C'est l'époque, prohibé, pour la prod, sans un peu, sur toi-même, regardant l'esprit d'un téméraire. Au-delà, du réel, des dollars, on en rêve, des dollars, ça arrive. Il faudrait qu'on change d'itinéraire. C'est l'époque, GTA, sur la prod, sans un peu, sur toi-même, regardant l'esprit d'un téméraire. J'arrive de l'espace, gros, j'ai boycott. Atterrissage forcé, j'ai un problème de motorisation. La porte s'ouvre, je manque de sous, je marche pas à l'oxygène. J'ai 21 étoiles et si je meurs, ce sera donc si je. Accueilli par un certain Ronnie Batlas Argentine. Je change les directives car pour lui y'a pas de châtiment. Me dis salut cousin, toi tu viens des airs comme dans le genre. Mais pour l'instant, moi je t'ai sur terre et dans mon dingue. Donne-moi plan B quand c'est soupi, planète sans scoop. Plus j'ai pas vu le territoire car c'est la nuit et j'ai atterri tard. Me dis c'est pas grave, il fait preuve d'hospitalité. Me dis fais attention car les humains aiment se péter à l'été. Adieu Ronnie, je pars direct, j'ai peur des informations. C'est dangereux comme escamal. Faiteur dans sa formation. Son retour j'annonce non. C'est scatique son stress se dédie. De la conquête du globe. Car l'humain aime se détruire. Au-delà du réel, des dollars, on en rêve, des dollars, ça arrive. Il faudrait qu'on change d'itinéraire. GTA, c'est l'époque, prohibé, pour la prod, un peu, sur toi-même, regardant l'esprit d'un téméraire. Au-delà du réel, des dollars, on en rêve, des dollars, ça arrive. Il faudrait qu'on change d'itinéraire. C'est l'époque, GTA, sur la prod, un peu, sur toi-même, regardant l'esprit d'un téméraire. Galère dans la galaxie, crie la tête dans les étoiles. J'ai pris goût car ça me soulage sur des sujets aléatoires. L'esprit lunaire, un pied sur terre, un autre sur Mars. L'assurance de mes neurones ne couvre pas l'état de marche. De nuit comme de jour, je suis en joue dans ma soucoupe. Dans la lunette de mes soucis qui comptent sur moi dans son couple. Dans les nuages, mes neurones cultivent l'orbe locale. J'écris comme je me démerde depuis le cordon ombilical. Par mon inconscient, je frôle de près les accidents. La poisse même et le bonheur ne m'a laissé que ses dents. La routine fait que ma vie se déroule vitesse lumière. Je diesel pour l'allumage, je suis économe, bande de fumier. Je résous les affaires, mon classe est souvent additionnée. De soucis dans ma tête, c'est pas le monde à Walt Disney. Je suis au-delà du réel, la vérité doit être ailleurs. C'est Mulder qui mène l'enquête pendant que j'écris mes mots de cœur. Au-delà du réel, des dollars, on en rêve, des dollars, ça arrive. Il faudrait qu'on change d'itinéraire. GTA, c'est l'époque, prohibé, pour la prod, un peu, sur toi-même, regardant l'esprit d'un téméraire. Au-delà du réel, des dollars, on en rêve, des dollars, ça arrive. Il faudrait qu'on change d'itinéraire. C'est l'époque, GTA, sur la prod, un peu, sur toi-même, regardant l'esprit d'un